y a les presque 30 ans, jour pour jour, c'était le 24 avril 1990, la navette spatiale Discovery mettait en orbite le télescope spatial Hubble à 600 km de la Terre. Après des débuts compliqués, dirons-nous presque catastrophiques, qui ont failli conduire à l'abandon de la mission et notamment à cause d'un défaut du miroir qui faisait qu'Hubble voyait flou, finalement, à force de missions de réparation successives, Hubble est devenu la star des télescopes que l'on connaît. Avec plus d'1 400 000 observations, dont les fameux piliers de la création et tant d'autres, ces images ont donné lieu à plus de 17 000 publications. C'est cette histoire que nous allons vous raconter. Hubble, 30 ans dans la vue, c'est le programme télescopique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique en direct. Et oui, puisque nous avons le plaisir d'être à nouveau avec vous en direct depuis hier, depuis les studios de France Culture, mais toujours, évidemment, épidémie oblige, dans des conditions très particulières, puisque je suis seul dans le studio et que mes deux invités sont avec moi en ligne. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir pour cette émission Jean-François Clairvoy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astronaute à l'Agence spatiale européenne et ingénieur. Vous avez participé à l'une des missions de réparation de Hubble en 1999. À l'époque de la navette spatiale, vous nous en parlerez évidemment dans quelques instants. Et bonjour à vous, Hakim Atek. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'Institut d'astrophysique de Paris et membre de l'équipe Origine et évolution des galaxies. Et on commence cette émission comme chaque jour avec un petit bond dans le passé. Aujourd'hui, c'est tout trouvé. On va retourner quasiment donc 30 ans en arrière. Alors, pas exactement à la date du lancement de Hubble. Quelques jours avant, à quelques jours du lancement, le 10 avril exactement 1990, nous sommes dans le journal de 7 heures de France Inter. Le mauvais temps pourrait retarder le lancement du télescope spatial Hubble qui doit partir à bord de la navette Discovery cet après-midi. Le départ ne s'effectuera que dans des conditions parfaites. Hubble est en effet un petit bijou qui coûte 2 milliards de dollars. Mais quel programme ! Le super télescope devrait permettre ni plus ni moins de nous informer sur les origines de l'univers. Quand la science rejoint la métaphysique, Bruno Rougier. Grâce à ce télescope spatial, les scientifiques espèrent répondre à une série de questions sur l'âge de notre univers, sur sa taille, son développement actuel et en particulier à la question fondamentale, notre univers est-il en perpétuelle expansion ou a-t-il une taille limitée ? Hubble bénéficie d'un atout de taille, une vue particulièrement perçante. En orbite au-dessus de l'atmosphère qui fait écran aux observations faites depuis la Terre, ce télescope verra mieux et plus loin. Il permettra d'agrandir d'un millier de fois le volume d'espace observable par l'homme. Or, plus les objets observés sont éloignés de nous, plus ils sont anciens. Hubble devrait donc étudier pour la première fois des objets vieux de près de 15 milliards d'années qui sont aujourd'hui aux confins de l'univers et sont nés au moment de sa création. Il analysera la lumière qu'ils émettent et en tirera des informations précieuses sur leur composition chimique. Selon les éléments trouvés, les astronomes pourront confirmer ou non la théorie actuelle du Big Bang. Voilà, extrait du journal de France Inter, il y a 30 ans, un peu en amont du lancement de Hubble, qui ne partira finalement que 15 jours plus tard, effectivement, pour les raisons météo évoquées. Un commentaire libre de l'un et de l'autre sur cette archive, Hakim Atek. Oui, je pense que ce qui est marquant dans cette archive, ce petit passage radiophonique, c'est quand on parle déjà de ce que Hubble pourra vraiment découvrir, on parle de galaxies il y a 15 milliards d'années, alors que avec justement l'apport de Hubble, évidemment notre connaissance a évolué, les estimations de l'âge de l'univers sont moins que 15 milliards d'années maintenant, et puis effectivement on découvre des galaxies très lointaines qui sont à 12-13 milliards d'années. Jean-François Clairvoy. Ah, c'est fantastique, travailler dans l'espace au service de la théorie du Big Bang, c'est quand même fabuleux. Même si les astronautes ne sont pas forcément des scientifiques de formation, nous sommes avant tout des opérateurs de machines complexes. Le fait de nous frotter comme ça à la science très pointue, c'est jouissif intellectuellement pour nous. La NASA évoque aujourd'hui ce télescope Hubble comme l'avancée la plus significative en astrologie depuis le télescope de Galilée. Est-ce que vous partagez ce point de vue l'un et l'autre, Jean-François Clairvoy? En astronomie, pardon, excusez-moi. Oui, j'ai dit astrologie. Bon, ça, ben, voilà, vous voyez la reprise, parfois c'est difficile pour tout le monde. En astronomie, bien sûr, pas en astrologie, voyons. À l'époque où on s'entraînait pour des missions vers Hubble, on entendait dire par certains astrophysiciens, alors Hakim pourra confirmer ou commenter, mais que on considère qu'il y a un après et avant le télescope spatial Hubble, à l'image de ce qu'on disait à l'époque de la lunette de Galilée, il y avait un avant et après la lunette de Galilée. Donc cette comparaison est quand même met la barre très haute, et je ne sais pas si le télescope vraiment est à ce stade, mais c'est vraiment un objet symbolique, à la fois pour les astronautes, pour les astrophysiciens aussi. Hakim Atek, votre point de vue sur cette comparaison ? Oui, effectivement, elle est assez pertinente, parce que Hubble a permis d'ouvrir une nouvelle fenêtre, en fait, sur l'observation de l'univers. Cette nouvelle fenêtre a été permise grâce à l'envoi du télescope dans l'espace. Et puis, cet envoi a permis de s'affranchir, effectivement, de l'atmosphère, qui limitait considérablement les observations au sol. Et ces limitations ne s'arrêtent pas juste à la perturbation atmosphérique qui rendait les images un peu moins nettes que ce qu'obtient Hubble, mais aussi à l'absorption d'une grande partie du spectre de ces objets astrophysiques. On dit qu'il y a évidemment, et on va en parler, hein, toutes les avancées scientifiques qui ont été rendues possibles grâce à ce télescope spatial, dont on va rappeler que ça n'est pas d'ailleurs le premier, même s'il a une importance. Peut-être que son importance, elle est aussi une forme de changement d'air et de changement de révolution en matière de communication, justement, autour des travaux en astronomie et en astrophysique. Les plus belles photos de Hubble aujourd'hui, il y a plein de sites qui les répertorient. Il y a même un site qui vous permet, via d'ailleurs la NASA, de retrouver la photo qui a été prise le jour, ou en tout cas la photo la plus emblématique, puisqu'il y en a évidemment des millions, qui a été prise le jour de votre naissance. C'est aussi finalement la beauté de ce télescope, c'est d'avoir amené l'espace profond à portée du grand public, Jean-François Clairvoy. Oui, effectivement, c'est les images du télescope Hubble, on a l'impression qu'on voit ce que nous verrions avec nos propres yeux si nous étions là, beaucoup plus près de ces objets célestes que nous le sommes en réalité, grâce à un zoom super puissant que constitue un télescope. Et ce qu'on a entendu dire aussi, c'est que, en plus de voir des signaux qu'on ne verrait pas depuis le sol à cause de l'atmosphère, comme il n'est pas attaché à la Terre, on peut avoir des temps d'exposition très longs. Et quand on fait de la photographie, on sait que pour observer des objets très peu lumineux, il faut garder le diaphragme ouvert très longtemps. Et donc, dans l'espace très profond ou depuis sol, c'est difficile de trouver et de voir des choses qui sont très peu lumineuses après des dizaines, voire des centaines d'heures. Enfin, Hakim pourra nous dire quel est le temps maximum d'ouverture qu'on a obtenu, mais on a vu que c'était bourré de galaxies partout. C'est fantastique comme information. Hakim Atek. Oui, alors pour rebondir sur la révolution, comme vous dites, de la communication autour de la science, on va parler évidemment des trois décennies de découvertes de Hubble et découvertes scientifiques. Mais au-delà de ces bouleversements scientifiques, je pense que Hubble a su aussi susciter un émerveillement sans précédent autour de l'astronomie et de l'espace, mais aussi de la science en général. Donc je crois qu'on peut. Oh, pardon. Oui, allez-y. Hakim Atek terminé, puis Jean-François Clairvoy après, allez-y. Oui, donc je voulais juste mentionner qu'il a aussi permis sans doute à plusieurs générations de s'intéresser aux disciplines scientifiques dès le jeune âge. Et puis, comme vous disiez, les images de Hubble, on les retrouve un peu partout. Et à chaque fois qu'on voit une image sur les fonds d'écran, à la télé ou dans les reportages, il y a de grandes chances que ce soit une image de Hubble. Et ceci a été possible aussi grâce à tout un département de communication avec le public chez l'Institut de télescope, du télescope spatial, mais aussi à l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Oui, il faut rappeler, on pense souvent, et d'ailleurs les gens ont souvent en tête l'idée que Hubble est le seul fruit du travail de la NASA, ce qui n'est absolument pas vrai, puisque c'est le fruit d'un travail collaboratif avec l'ESA. On va en reparler dans un instant. Jean-François Clairvoy, vous vouliez réagir ? Oui, c'est que le télescope, bon, il a permis bien sûr de faire beaucoup de découvertes sur l'univers, mais il nous a fourni des images extraordinaire de notre propre système solaire. C'est-à-dire que jusqu'à récemment, c'est ce que les scientifiques me disaient, ils prenaient des photos de planètes comme Saturne, Jupiter, avec une résolution meilleure que celle des sondes qui s'y approchent. Mais sauf la dernière génération de sondes qui a pu prendre quand même des images de meilleure résolution. Et donc, les plus belles photos que l'on montre dès la maternelle ou dès l'école primaire plutôt, lorsqu'on étudie le système solaire de façon rudimentaire aux enfants, des images de Jupiter, de Saturne avec des aurores polaires, avec la tache rouge, avec les satellites qui tournent autour. Et c'est magnifique parce que on voit des photos, encore une fois, qui sont des choses qui nous parlent et qui font partie de notre environnement proche. Donc c'est un télescope qui nous a ouvert à la fois les yeux vers l'univers, mais vers notre propre système solaire, des photos même de la Lune. Donc c'est un télescope, il a permis effectivement à la NASA de développer une communication accélérant l'intérêt du grand public pour l'astronomie, parce qu'il a pu comprendre, parce qu'il a pu voir, grâce à ces photos qui sont dans le domaine du visible. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h11, nous parlons donc de ce télescope spatial Hubble qui fête cette année les 30 ans de son lancement. Nous en parlons avec Jean-François Clairvoy et Hakim Atek. Et on va voir que bien l'histoire a été assez tumultueuse jusqu'au lancement de Hubble et même quelques années après. Peut-être un mot, Hakim Atek, pour commencer. À quel moment est-ce qu'on commence à envisager la possibilité d'envoyer un télescope en orbite, de faire sortir les télescopes de l'atmosphère terrestre ? Alors, on peut remonter assez loin, en fait. C'est le design de la conception peut-être assez avancée d'un télescope dans l'espace remonte aux années 40, quand un astrophysicien américain qui s'appelle Lyman Spitzer pense aux bénéfices de s'affranchir de l'atmosphère et envoyer un télescope dans l'espace. Même si auparavant, il y a eu déjà des idées, dans les années 20 aussi, d'envoyer un télescope dans l'espace. Et ensuite, à partir de là, à partir des années 40, l'idée mûrit petit à petit. Et dans les années 60, on commence à envoyer des petits satellites, des petits télescopes, principalement dans l'ultraviolet, puisque c'est les longueurs d'onde qui manquent le plus au sol. Et après ces petits télescopes qui sont envoyés dans l'espace, on commence vraiment le projet de Hubble à la fin des années 60. Est-ce qu'on peut refaire le tour rapidement justement de l'intérêt que peut avoir un télescope en dehors justement de l'atmosphère solaire ? Qu'est-ce que, outre évidemment, on imagine bien les perturbations classiques atmosphériques, le jour et les nuages, qu'est-ce que l'atmosphère retient et nous empêche de voir de l'espace, Hakim Atek ? Oui, alors au-delà de ces perturbations, effectivement, une grande partie du spectre reste invisible depuis la Terre. Donc on a par exemple les ultraviolets qui sont bloqués par l'atmosphère, et heureusement pour nous. Et donc on peut pas observer dans l'ultraviolet à partir du sol. Et dans l'ultraviolet, il y a beaucoup de caractéristiques de processus physiques qui ont des signatures dans ce domaine de longueur d'onde qui nous échappe donc. Et puis il y a aussi de l'absorption dans le proche infrarouge, dans l'infrarouge. L'atmosphère émet aussi dans ces longueurs d'onde-là en infrarouge, donc il est très compliqué d'observer depuis le sol. Il nous reste en fait finalement la fenêtre optique, ce qu'on appelle la fenêtre visible à l'œil nu, où on peut observer depuis le sol, malgré les perturbations atmosphériques, même si maintenant on commence à faire beaucoup de progrès au sol avec les systèmes d'optique adaptative, mais la résolution de Hubble reste encore inégalée. Alors, il y a effectivement, vous le disiez, un des premiers petits observatoires solaires qui sont envoyés, ou des petits, qu'on appelle les OAO, les Orbiting Astronomical Observatory, qui sont envoyés dans les années 60. Et c'est les premiers succès. On se rend compte que ça fonctionne assez bien. À partir de quel moment ce projet un peu ambitieux de ce qu'on va appeler le Large Space Telescope, le LST, avant qu'il soit nommé, commence à se développer aux États-Unis ? Qui veut répondre là-dessus ? Jean-François Clairvoy ? Oh ben non, je suis pas spécialiste, laissons Hakim là, il est astrophysicien. Moi je vous parlerai de mon métier d'astronaute après, mais d'accord. Mais j'adore écouter mes collègues scientifiques parler de cette bête scientifique, parce que c'est grâce à leur imagination, leur intelligence, leur conception que ces missions dont je parlerai sont considérées comme des missions reines pour les astronautes. Alors Hakim Atek, racontez-nous un peu l'histoire de la naissance de ce LST. Oui, alors effectivement, au début, il s'appelait Large Space Telescope. C'était le projet est entériné plus ou moins en 1969. Et ensuite commencent les phases d'études, de design, de faisabilité, comme on dit, du télescope. Et ensuite, on se rend compte petit à petit qu'il y a de plus en plus de restrictions budgétaires, surtout après l'alunissage. Donc le budget de la NASA baisse drastiquement. Le projet est menacé dès ses premières années, finalement le début des années 70. Et ensuite, déjà, on réduit la taille du miroir à 2,40 m, la taille du miroir primaire à 2,40 m. Alors qu'il devait faire 3 mètres au départ, hein, c'est ça ? Exactement, tout à fait. Et ensuite, on commence aussi à développer plusieurs instruments et ça devient de plus en plus cher, évidemment. On connaît maintenant le coût lors du lancement qui est de 2 milliards, comme on l'a dit précédemment. Donc, dans les années 70, ça commence à être considérable. Et c'est là, justement, que en 75, l'ESA rejoint, en fait, la collaboration, le projet. Elle rejoint en fournissant un des instruments qui est FOC, qui est la caméra pour observer les faibles objets, les faibles sources astrophysiques, et les panneaux solaires du télescope. Donc, ce qui réduit aussi la participation de la NASA à ce programme. Et donc, le projet en tant que tel est entériné par le Congrès. Et ça, on va peut-être pas rentrer dans les détails parce que ce serait assez long, mais il faut bien dire qu'il y a vraiment tout un tas de problèmes pour la construction du télescope. Il y a des problèmes de polissage du miroir, il y a des problèmes de livraison. Alors on sait que dans le spatial, tous les projets prennent souvent du retard et qu'il y a souvent des délais de livraison. Mais là, on parle de délais très très importants à Kymatech. Oui, effectivement, et chaque projet spatial en fait a ses délais. La plupart du temps, ces délais sont dus aux tests. Pour que un télescope soit envoyé dans l'espace, on doit s'assurer qu'il marche. Donc les tests prennent des années. Et ces tests affectent aussi, on va en parler sans doute tout à l'heure, le nouveau James Webb télescope qui devait être envoyé en 2013 et maintenant qui va être envoyé en 2021 sans doute. Ce qui s'est passé avec le Hubble se passe aussi avec tous les autres télescopes, même si les délais sont un peu différents pour Hubble et pour le James Webb, vu l'ampleur de ces projets. Le lancement initial de Hubble devait avoir lieu à Kymatech, je crois, en 83, la première date officielle. Oui, 83, qui a été un peu retardé aussi, et ensuite qui a été définitivement retardé après 86, puisqu'on avait eu l'explosion malheureuse de la navette Challenger qui devait lancer le télescope. Donc tout a été mis en pause à ce moment-là. Et pendant ce temps-là, les équipes de Hubble ont pu perfectionner le télescope jusqu'à 90 où il a été lancé. Ce qui nous amène effectivement au lancement du 24 avril 1990. Vous avez un souvenir l'un et l'autre justement de ce lancement, parce que ce qu'on n'a pas dit encore, c'est que à ce moment-là, tout de même, malgré les coupes budgétaires initiales, avec ce projet qui s'étend, qui se prolonge dans le temps, qui est prolongé d'année en année, on arrive à une enveloppe budgétaire immense qui fait de Hubble l'équipement scientifique le plus cher. Alors peut-être maintenant c'est différent si on considère la Station Spatiale Internationale dans son ensemble, mais en tout cas à l'époque très nettement le plus cher de l'histoire de l'humanité, puisque son budget atteint 2 milliards de dollars à Kymatech. Oui, alors je ne me rappelle pas très bien, j'étais assez jeune à cette époque-là pour lors du lancement, mais je me rappelle avoir visionné des vidéos du Sénat à cette époque-là, après le lancement et le désastre, les erreurs qu'on connaît du départ et les problèmes rencontrés par Hubble. Et il y avait un certain Al Gore à cette époque-là au Sénat qui critiquait justement les 2 milliards de dollars dépensés et puis pour avoir une telle erreur de conception du télescope. Donc c'était assez intéressant et frappant de voir ça, puisque on sentait qu'il y avait une perte de confiance dans la NASA à cause de cette grossière erreur. Jean-François Clairvoy, vous vous souvenez, vous, de ce lancement ? Vous avez un souvenir précis, justement ? Oui, j'étais déjà astronaute depuis 5 ans, ce qui ne me rajeunit pas. Donc, évidemment, en tant qu'astronaute de l'Agence spatiale française, et destiné à voler avec les Russes et les Américains, on s'intéressait à tous les décollages de vol habité. Et on s'intéressait au contenu. Et c'est là, vraiment, en 90, lors du lancement, que j'ai appris ce qu'était ce télescope, ce qu'il représentait, et bien sûr, suite aux premières images, le suivi des décisions qui étaient prises et de la solution. Parce que vous savez, dans l'espace, nous sommes en astronautique des problèmes solveurs. On s'intéresse toujours à la... On sait qu'on aura des problèmes et on met tout en œuvre pour trouver les solutions. Et on a réussi à lui rendre la vue nette, et ça a été un grand bouleversement positif, malgré ce début décevant. Vous allez nous raconter ça, parce que ça, c'est vrai que c'est une autre partie de l'aventure qui est absolument passionnante. On peut préciser que le nom du télescope est arrivé en 1983, donc c'était pour le premier lancement. Peut-être nous rappeler rapidement, pour les auditrices et les auditeurs, Hakim Hakem, pourquoi ce nom, qui était Hubble, et pourquoi nommer ce télescope spatial du nom de Edwin Hubble? Oui, alors Hubble, c'est l'astrophysicien qui a découvert que l'univers était en expansion, rien que ça. Donc c'est un astrophysicien américain qui travaillait en Californie et qui, c'était un observateur, donc il passait ses nuits froides au télescope du mont Wilson en Californie et il observait des galaxies. Et à l'époque, ce qu'on savait de l'univers se résumait en fait à notre galaxie. On pensait que l'univers, c'était notre galaxie avec ce qu'elle contient d'étoiles, de nébuleuses, etc. Et ensuite, avec Hubble, avec ses observations, il s'aperçoit que, en mesurant leur distance, qu'elles sont trop loin pour faire partie de notre galaxie. On découvre en fait que ces galaxies sont d'autres galaxies, comme la nôtre, ce que prédisait déjà dans ses écrits au XVIIIe siècle Emmanuel Kant, qu'il appelait les univers-îles. Donc c'était des nouveaux univers-îles qui ressemblaient à notre galaxie, et en mesurant leur distance, il s'aperçoit aussi que ces galaxies s'éloignent les unes des autres, donc il découvre en fait l'expansion de l'univers. Et donc, ce fameux télescope nommé juste et à juste titre Hubble, puisque ce sera d'ailleurs, et on en reparlera tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission, bien l'une des missions de Hubble, de mesurer justement cette expansion de l'univers, de la mesurer au plus près. Ce 24 avril 90, donc, le satellite est lancé, mais très vite, encore une fois, après ce qu'on appelle un development hell aujourd'hui, c'est-à-dire un enfer de développement, eh bien ça va continuer tout de suite dans l'espace, c'est-à-dire que Hubble, bien, ça ne marche pas du tout, ça marche très mal en tout cas au début, et le satellite et le télescope enchaînent panne sur panne, Hakim Hakem. Faudrait peut-être pas dire qu'il ne marche pas du tout. Non, bien sûr, mais les débuts sont compliqués. Oui, alors au début, en fait, la qualité d'image était moins bonne que prévu, puisque le miroir principal, le miroir primaire, n'avait pas la courbure adéquate. Donc la courbure, en fait, le miroir primaire a une forme hyperbolique. Et cette courbure n'était pas exactement... en fait, l'erreur sur la courbure était seulement de 1 micron, mais 1 micron, c'était suffisant pour avoir des images moins nettes que prévu. Alors évidemment, il y a d'autres instruments qui furent utilisés, qui marchaient bien, on continuait à avoir de la science, à faire de la science avec ce télescope, mais il manquait quelque chose, c'était pas la qualité escomptée. Ce qu'il faut peut-être préciser aussi... Jean-François Clairvoy, oui, allez-y. Oui. Oui, on peut dire, en fait, il marchait parfaitement, mais avec un miroir parfaitement poli, mais selon la mauvaise courbure. Donc, en fait, c'est pas un problème, c'est pas une panne d'un système. Et il se trouve qu'en mathématiques, on sait transformer le front d'onde optique, on sait travailler par traitement du signal, un signal optique pour le transformer virtuellement à travers d'autres lentilles qui corrigent. Donc, on arrivait à corriger l'image par traitement mathématique, puisqu'elle était floue, mais parfaitement floue, si je puis dire. Enfin, Hakim pourra me corriger si nécessaire. Et donc ça donnait, on pouvait récupérer des images à peu près nettes, mais c'est évidemment pas aussi beau que si le miroir avait été poli selon la parfaite courbure dès le départ. Il y a eu quelques autres pannes au début, hein. Le télescope se mettait automatiquement en mode sauvegarde, les senseurs fins n'arrivaient pas à pointer, à se verrouiller sur les zones de ciel étudiées. Bon, il y a eu plein de petits ajustements, mais ce qui est important de mentionner peut-être tout de suite, Jean-François Clairvoy, c'est que ce télescope spatial, il a été pensé pour être en permanence amélioré et réparé de la main de l'homme. Parce que ça nous paraît aujourd'hui impossible, parce que ça fait très longtemps qu'on n'en voit plus d'hommes en orbite autour de la tête, d'hommes et de femmes d'ailleurs, mais à l'époque on pouvait encore le faire, et Hubble avait exactement été pensé comme ça. Oui, c'est le plaisir numéro un des astronautes avec les missions Hubble, les missions vers le télescope spatial Hubble. Donc il y en a eu, de mémoire, il y en a eu 6 en tout. Il y a eu le lancement, puis il y a eu 4 missions, il y a eu 5 missions de visite par un équipage de navettes. Parce que ce sont des missions qui, en une fois, vous avez la totale des activités astronautiques les plus spectaculaires qui sont le rendez-vous spatial. Vous décollez pour rejoindre un objet qui est déjà à 28 000 km/h dans l'espace. Donc ça, c'est pas évident, faut pas se tromper. Vous savez, une seconde d'erreur, c'est 8 km d'erreur. Donc le rendez-vous, dans la même mission, il y a du travail robotique pour capturer le télescope, pour le fixer dans la navette et après pour déplacer les collègues en scaphandre. Et puis vous avez des activités à l'extérieur en scaphandre. Tout ça combiné en une seule mission d'une quinzaine de jours, de 10 à 15 jours. Donc c'est en ça que cette mission est spectaculaire. En plus, comme le télescope n'est muni d'aucun système de propulsion et de correction d'orbite, il est passif. Donc on le place à la plus haute altitude que peut atteindre la navette spatiale américaine. Donc quand vous allez vers Hubble, vous allez aux plus hautes altitudes des vols habités, à part bien sûr la vingtaine d'humains qui sont allés vers la Lune il y a 50 ans. C'est à 600 km. Plus, voilà, c'est à 600 km. Et lorsque vous êtes affecté à une mission vers Hubble, il n'y a aucune autre activité secondaire. Tout le monde est 100% dédié à travailler sur le télescope. Alors, toutes les autres missions en navette, vous avez toujours une mission principale et plusieurs expériences secondaires, activités secondaires. Donc, c'est en ça que c'est une mission rêvée. Bon, par ailleurs, moi, en tant qu'astronaute européen, j'étais bien sûr fier de participer à une mission qui touchait à un instrument qui était développé en coopération. D'autant plus que lors du retour, lorsque j'ai demandé comment s'effectue le temps d'observation, on me disait, le temps d'observation n'est pas attribué en fonction de la contribution financière des partenaires, donc l'ESA qui finançait 15% du développement, mais du mérite scientifique des propositions de recherche. Et à l'époque, 30% du temps d'observation était attribué à des Européens, même si les Européens ne contribuaient qu'à 15%, parce que la communauté scientifique des astrophysiciens européens est d'un très très haut niveau qui surpasse, qui dépasse en proportion ce qui se fait dans le monde. Donc, kudos, comme on dit en anglais, félicitations et fierté de notre communauté de scientifiques dont fait partie Hakim, qui savent faire des propositions de recherche très intéressantes. Hakim Atek, oui, peut-être un mot sur cette modularité initiale qui est constitutive de Hubble et qui effectivement, comme vient de le préciser très justement Jean-François Clairvoy, pouvait être approché notamment parce qu'il n'avait pas de système de propulsion propre. Oui, alors juste pour rebondir sur ce que Jean-François disait, c'est que la participation de la NASA, de l'ESA à hauteur de 15%, leur donnait la garantie d'avoir au moins 15% du temps d'observation. Mais cette clause n'a jamais été mise en place ou invoquée, puisque les Européens effectivement surpassaient les 15%, donc obtenaient beaucoup plus que prévu, jusqu'à 30% effectivement du temps de télescope. Et ensuite, oui, allez-y, je vous en prie. Et pour la modularité, oui, c'est ce qui fait aussi le caractère unique du télescope, c'est qu'on pouvait changer les instruments, il y avait plusieurs instruments aussi. Le Hubble est ce qu'on appelle un télescope à temps ouvert, c'est-à-dire que les gens font des demandes d'observation, et la communauté fait des demandes d'observation, il y a un comité qui se réunit et sélectionne les meilleures propositions, et ensuite on a du temps d'observation sur le télescope. Alors il y a d'autres télescopes qui sont dédiés à une seule mission, qui est prévue dès le départ, on envoie le télescope, il observe ce qu'il doit observer pour sa mission, et c'est fini, il n'y a pas de contribution pour les autres astronomes. Et ensuite, donc, il y a plusieurs instruments qui sont très complémentaires. Donc, on peut faire beaucoup de sciences différentes dans des domaines de recherche différents. Et ce qui a fait aussi la longévité, je pense, du télescope, c'est qu'on peut le réparer. Et on peut changer les instruments et mettre des nouveaux instruments qui sont plus à jour avec une nouvelle technologie. Ce qui fait que Hubble n'a jamais été vraiment obsolète, puisqu'on a installé toujours des instruments de dernière génération jusqu'à la dernière mission en 2009. Et ensuite, on sait qu'il n'y a plus de programme de navette spatiale depuis récemment, et donc on ne peut plus effectivement refaire ces missions depuis 2009. Est-ce qu'il est vrai, et puis on va écouter dans quelques minutes, et je dois dire que je suis assez impatient d'écouter justement Jean-François Clairvoy nous raconter cette mission qui était la troisième mission de réparation et de maintenance de Hubble qui l'a accompagné. Il va nous raconter ça dans le détail évidemment, mais est-ce que c'est vrai tout de même que suite au déboire du tout début, juste après le lancement Hakim Atek, la NASA et le Congrès américains ont été à deux doigts de laisser tomber complètement le télescope, d'abandonner en disant on n'y arrivera jamais, c'est trop cher, c'est raté, on abandonne? Alors oui, il y avait beaucoup de doutes, comme je disais tout à l'heure, avec les réunions du Sénat où on entendait beaucoup ce qu'on appelait l'administrateur de la NASA à l'époque et les responsables du projet Hubble qui venaient s'expliquer justement sur cette erreur et ses déboires et ensuite voir est-ce qu'on a dépensé les 2 milliards pour rien ou on va aller un peu plus loin, réparer ce télescope. Et effectivement, il y avait beaucoup de doutes à l'époque. Et puis ces questions budgétaires se sont aussi imposé pour le James Webb il y a quelques années. On a failli arrêter aussi le programme James Webb. Mais je pense que ce pouvoir aussi de la communication vers le public a réussi à attirer aussi la pression du public, du contribuable, comme on dit, sur les pouvoirs publics pour continuer à financer ce genre de projet. Et restez avec nous, il est 16h30 et dans quelques minutes, bien mieux que n'importe quelle Gravity, vous allez avoir droit à un récit en direct de Jean-François Clairvoy sur sa mission de réparation du télescope Hubble. Et puis on va parler évidemment de la contribution scientifique de ces millions de photos de l'espace et de l'espace très profond qui ont été prises par ce télescope qui fête cette année ses 30 ans. Precious jewels of Pisa, three graces of our court. Radiant, radiant, our beloved Archduchess Maria Maddalena, our shining Queen of France, Marie de Medicis, and finally most revered. Celestial Grand Duchess, Mother Madama Christina. Signor Galileo Galilei, astronomer, inventor renowned, son of our musician Vincenzo. And now, creator of a telescope, marvelous instrument, arise. Galileo Galilei Presentation of the Telescope, c'est une pièce de Philippe Glass que vous écoutez à l'instant à 16h33 dans la méthode scientifique sur France Culture, puisque nous parlons non pas du télescope de Galilée, mais de celui un peu plus tardif de l'humanité, de la NASA, de l'ESA, qui a produit tant de belles sciences et de belles photos. Nous parlons des 30 ans du satellite Hubble et du télescope Hubble en compagnie de Jean-François Clairvoy, qui est astronaute à l'Agence Spatiale Européenne, ingénieur, qui a donc participé à une mission de réparation qu'il va nous raconter dans quelques secondes, et Hakim Atek, qui est chercheur à l'Institut d'Astrophysique de Paris, membre de l'équipe Origine et Évolution des Galaxies. Alors Jean-François Clairvoy, on vous écoute, racontez-nous un peu comment ça s'est déroulé cette mission, parce qu'effectivement c'était la navette spatiale, et c'était des missions, vous nous en avez donné un aperçu tout à l'heure, on a envie d'en savoir plus. Oui, donc je rappelle, effectivement le télescope est conçu pour pouvoir être maintenu d'un point de vue appareil électronique, informatique, etc., et amélioré du point de vue instrument scientifique par des astronautes qui lui rendent visite tous les 3 ans. Donc lancé en 90 avec une mission prévue typiquement tous les 3 ans, et on imagine tous les 3 ans une nouvelle génération d'instruments multipliant par entre 10 et 100 les performances de l'instrument précédent permettait de le rendre presque neuf à chaque fois. Et alors c'est vrai qu'après le succès retentissant de la première mission, notamment de correction optique, dont on parlait tout à l'heure, du flou, a largement égalé la déception qu'on a eue au départ. Donc ça a redonné de l'élan. Donc une première mission en 1993 pour corriger le défaut optique et au passage améliorer les instruments. Une deuxième mission en 1997 pour l'améliorer, changer des instruments par des nouveaux. Et puis une mission était prévue en 2000 pour une nouvelle amélioration, mais entre-temps, les systèmes de pointage fin du télescope sont tombés en panne, qu'on appelle des gyroscopes, des petites toupies qui tournent très vite et qui permettent de stabiliser la visée. Et donc, la NASA décide de scinder la mission de 2000 en deux missions. Une qu'on va avancer en 99 pour remplacer ces gyroscopes en panne et au passage améliorer ce qu'on pourra qui est déjà prêt, des instruments déjà prêts. Et puis la mission de 2000, ben, on la repoussera en 2001. Donc lorsqu'on part, lorsque je suis affecté à la mission en mars 99, on me dit, écoute, on n'a que 6 mois d'entraînement, donc on t'a pris parce qu'on sait que tu es bien câblé dans ta tête pour les opérations robotiques du télescope. Et on espère qu'un gyroscope supplémentaire ne tombera pas en panne. Parce qu'il suffisait qu'une toupie de plus tombe en panne, et là il passait en mode survie, le télescope, c'est-à-dire il perdait son pointage stable vers les étoiles, inopérant pour la science, juste grossièrement pointé vers le soleil en tournant un peu sur lui-même. Donc on devait partir en octobre, mais des raisons diverses, programmatiques, techniques, font que notre vol navette est décalé dans le temps. Entre-temps, le télescope perd une toupie de plus et il passe en mode survie. Donc là, on me dit, on ne sait pas du tout dans quelle orientation tu le trouveras, contrairement aux missions précédentes et les suivantes où il était tout le temps coopératif, bien stable, immobile. Et quand je suis arrivé, il était à l'envers et en tournant sur lui-même. Donc j'ai dû faire ce qu'on appelle du vol en patrouille serrée avec le bras robotique canadien. Donc vous voyez un Français qui pilote un bras canadien dans une navette américaine pour rattraper un télescope européano-américain. C'était très international. Et la veille du décollage, le patron de la NASA, Dan Goldin, vient nous voir en quarantaine. Il nous dit, les amis, je compte sur vous pour redorer le blason de la NASA. On vient de cracher une sonde sur Mars. Donc, s'il vous plaît, réparez-nous ce télescope qui était donc inopérant totalement pour la science à ce moment-là. C'était une époque un peu noire pour la NASA à ce moment-là, justement. Il y a des périodes comme ça. Il y a toujours des périodes de haut et de bas. Et là, on était un peu dans un creux. Ils se tournent vers moi. Et vous, Billy Bob, c'est mon call sign, mon surnom d'astronaute aux États-Unis. N'oublierez pas que vous aurez 6 milliards de dollars entre les mains quand vous serez chargé de capturer le télescope. Parce que entre les 2 milliards de coûts de développement et puis les 500 millions de dollars de coûts de chaque mission d'entretien précédente, bon, ça commençait à représenter un patrimoine important. Mais bon, nous étions prêts. Nous arrivons dans l'espace. Je capture le télescope en faisant un peu d'acrobatie, je le fixe dans la soute. Et alors capturer, racontez-nous Jean-François Clairvoy, on capture le télescope comme ça, vous lui dites ça en un mot, mais enfin on imagine que tout ça va quand même à une vitesse extrêmement rapide, vous le disiez, hein, je crois 28 000 km/h, alors même si rapidité est différente. Nous nous rapprochons en patrouille serrée à 600 km d'altitude à 28 000 km/h du télescope, le camp de bord aux commandes approche la navette à une dizaine de mètres. Quand il estime qu'il ne peut pas faire mieux en vol relatif, il me demande « Billy Bob, est-ce que tu te le sens là pour le capturer avec le bras ?» Donc le bras robotique, c'est un bras qui ressemble à un bras humain, mais il est en métal, il fait 15 mètres de long, il est à l'extérieur de la navette. Donc il a une épaule, un coude, un poignet, et de l'intérieur, avec deux manches de pilotage, un pour la main gauche, un pour la main droite, je peux faire ce que je veux au bras. Je peux le faire avancer, reculer, à droite, à gauche, donc trois directions en translation, et je peux lui faire changer d'orientation. Donc c'est un peu comme si, avec votre bras, vous allez vous déplacer votre main et vous lui changez son orientation pour pouvoir l'aligner avec la tige de capture. Sur le télescope, il y a deux points d'accrochage possibles avec le bras robotique. Donc on m'avait dit, tu prends avec celui de droite. Et là, il faut que je m'aligne au fur et à mesure que je m'avance. C'est du travail qui est assez fin. Et c'est vrai que ce bras à l'extérieur, j'en avais fait presque un troisième bras de mon propre corps. Je ne réfléchissais plus, c'était comme instinctif d'agir sur ces manches de pilotage pour placer le bras comme il fallait. Je la grippe. Une fois agrippé, je le descends en douceur sur un berceau mécanique installé dans la soute de la navette spatiale Discovery. J'active des verrous qui le figent définitivement, qui l'accrochent comme des pinces qui se ferment à la base sur le culot du télescope. Je détache le bras du télescope, je vais chercher un calepied sur le côté, que je détache de la soute par à distance, toujours par des interrupteurs qui déverrouillent les mécanismes. J'installe ce cale-pied devant le sas de sortie dans l'espace de mes collègues en scaphandre, et le premier qui ouvre la porte du sas, il voit le cale-pied, il met les pieds dedans, et après je joue le rôle de chauffeur privé d'un collègue en scaphandre pendant 9 heures d'affilée. Donc le collègue dehors me dit: Jean-François, Billy Bob, amène-moi vers la baie numéro 9, donne-moi 10 degrés de roulis à gauche, 20 degrés de tangage vers l'avant, 30 degrés de lacet à droite, déplace-moi de 2 pouces sur ma gauche, voilà. Et donc je le place dans la position et l'orientation qui permet à mon collègue, avec ses mains, devant lui, de dévisser, visser, changer les gyroscopes, les ordinateurs, etc. Donc 3 jours de suite, pendant 9 heures d'affilée, c'était un véritable ballet très bien synchronisé entre le pilote du bras robotique, moi-même à l'intérieur, un des deux collègues en scaphandre au bout du bras robotique que j'amène dans le télescope, deux en haut, en bas, derrière, sous les panneaux solaires. Alors, exceptionnellement dans cette mission, les panneaux solaires, on nous a interdit de les replier parce qu'ils étaient devenus tellement fragiles qu'on avait peur de les recroqueviller et de ne plus pouvoir les redéployer si on essayait de les plier. Donc, je devais éviter les panneaux solaires, donc naviguer dessus, entre les panneaux. Alors j'utilisais un peu un langage Star Trek avec mon collègue à l'extérieur, parce que John Grunsfeld, un astrophysicien de mon équipage, j'avais la chance, à bord de notre équipage de 7 personnes, 3 étaient astrophysiciens de formation. Donc j'ai eu les plus beaux cours d'astrophysique de ma vie, avec un panorama extraordinaire, à la fois avec un beau télescope et puis un univers fantastique, dont on voyait des milliers d'étoiles colorées quand on éteignait toutes les lumières dans le cockpit. Donc il me disait: Billy Bob, beam me up, téléporte-moi, un peu comme dans Star Trek. Et voilà, pendant 9 heures d'affilée. Et ce qui était très important pour moi, c'est de ne jamais perdre la confiance de mes collègues, parce que si une seule seconde, j'initiais un déplacement, une rotation, dans une autre direction que celle qui me demandait, je perdais leur confiance instantanément. Donc à chaque fois qu'ils me disaient: Billy Bob, décale-moi sur ma gauche de un pied, donne-moi 10 degrés de tangage vers l'avant, il fallait que je fasse le mouvement, que je commande le mouvement dans la direction qu'ils me demandaient. Et parfois ils me font face ou ils sont un peu sur le côté. Donc c'est pas leurs axes, ce sont pas mes axes. Les corps sont, mon corps n'est pas orienté de la même façon que le leur. Donc voilà, c'est des changements de repères en permanence dans la tête, un ballet de robotique, de sortie dans l'espace, d'orientation de la navette. Et comme ça, 3 jours d'affilée, et ça s'est terminé le 24 décembre. Et le 25, j'ai pour charge de larguer le télescope. Donc je recapture le télescope, je déverrouille les crochets qui le maintiennent attaché à sa base, j'amène le télescope à la verticale du cockpit, je le relâche, le commandant de bord active des petits moteurs horizontaux qui permettent de glisser à l'horizontale sous le télescope, parce que si on voulait s'éloigner directement du télescope, il aurait fallu allumer des moteurs qui soufflent vers le télescope et qui polluent ses optiques. Donc tout ça, c'est prévu à l'avance, évidemment. Alors, grâce à une confiance extrême que j'avais eue du directeur de vol qui m'a autorisé sur cette mission à utiliser en permanence les modes de vitesse rapide du bras robotique. Normalement, dès qu'on est à moins de 3 mètres de toute structure, le bras robotique est interdit d'emploi des vitesses rapides. Il y a deux gammes de vitesses, il y a lent et rapide pour le bras robotique. Et là, j'ai tout fait en vitesse rapide, tous les déplacements de sortie dans l'espace, etc. Ça n'a jamais été le cas avant et après, mais on a eu tellement de problèmes lors de ces sorties dans l'espace que grâce à ces mouvements rapides, en 8h30, on a réussi à faire le job. Et le jour de Noël, le sol nous demande, après que j'ai largué le télescope, de rester en patrouille serrée avec la navette à une centaine de mètres sur quelques orbites successives pour que depuis le sol, par télécommande, il réallume les différents boîtiers électroniques, optiques, informatiques, télécommunications. On a changé 13 boîtes, 13 pièces de rechange dans le télescope au cours de cette mission. Et ils ont tout rallumé, tout testé, tout marchait parfaitement. Et le jour de Noël, ils nous annoncent: Discovery, ici Houston, on vous annonce, le télescope est 100% opérationnel, vous pouvez rentrer sur Terre. Donc là, c'est une grande fierté pour nous, et on a rendu visite à ce centre dont parlait Hakim tout à l'heure, le Space Telescope Science Institute, où il y a l'équipe qui gère le télescope. Et ils nous ont donné à chacun sur un grand papier photographique, un grand poster de la première image prise par le télescope après notre réparation. C'est la nébuleuse de l'Esquimau, une très belle photo d'explosion d'étoiles. Et je l'ai encore là devant moi dans mon bureau chez moi. Et c'est un souvenir d'avoir servi la science avec un grand S. Et vous savez, on nous disait, il y a plusieurs milliers de personnes dans le monde qui vivent équivalent plein temps exclusivement de données du télescope spatial Hubble, de ce télescope. Donc on a permis comme ça à une communauté scientifique de continuer à explorer l'univers, à faire d'extraordinaires découvertes sur l'accélération de l'expansion de l'univers, par exemple, à publier dans les revues scientifiques. Donc pour nous astronautes, c'est vraiment une grande satisfaction d'avoir servi comme ça la science avec un grand S. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et non sans remercier Jean-François Clairvoy de nous avoir fait vivre de manière spectaculaire et remarquable cette aventure de réparation du télescope Hubble. On va parler dans ce dernier quart d'heure qui nous reste justement un peu des apports scientifiques de ce télescope, de ce que vous venez de décrire exactement, Jean-François Clairvoy, de ces travaux. Hein. Je rappelle, je crois, je parle sous le contrôle d'Akimatech, mais 1 400 000 observations, 17 000 publications depuis 30 ans. Akimatech, qu'est-ce que, selon vous, alors il va falloir évidemment résumer un peu parce qu'on ne va pas avoir le temps de faire le tour de toutes les grandes découvertes ou ajustements de la connaissance astrophysique qu'a permis Hubble, mais selon vous, quel est finalement le point central de l'avant et l'après Hubble en termes de travaux d'observation spatiale? Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu d'innombrables découvertes. Peut-être qu'on va se concentrer sur les plus importantes, mais je vais peut-être commencer par... Bon, je sais que je vais être un peu subjectif, mais parce que je travaille dans ce domaine. On vous excusera, vous êtes déjà excusé. Merci. Du coup, je vais citer les champs profonds qui ont été observés par Hubble, qui ont fondamentalement révolutionné le domaine de recherche de la formation, de l'évolution des galaxies. Parce qu'à l'époque, c'était en 1995, donc le directeur du Space Telescope Science Institute, qui était Bob Williams à l'époque, c'était 2 ans après la réparation de Hubble, décide d'utiliser son temps, puisqu'il y a toujours un temps attribué au directeur, qui est souvent utilisé pour observer des phénomènes inattendus ou rares. Et là, il l'utilise pour un grand projet. Et bien, il pointe, on décide sur l'avis de la communauté scientifique, évidemment, de pointer le télescope sur une zone du ciel. Alors, en général, on pointe le télescope sur des objets qu'on connaît, par exemple des étoiles, des galaxies. Et bien là, on décide de pointer le télescope sur une zone du ciel complètement vide. Alors, complètement vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étoiles brillantes dans cette petite partie du ciel. Et puis, on choisit aussi cette partie du ciel pour qu'elle soit loin du plan galactique, pour qu'il n'y ait pas trop de poussière et d'extinction aussi. Et on pose le télescope Hubble pendant des jours, pendant 10 jours pour être exact. Alors on connaît des temps de pose longs sur nos appareils photo qui sont 30 secondes, 1 minute. Eh bien là, c'est une dizaine de jours où on pointe ce gros télescope sur une petite zone du ciel qui fait à peu près 1/10 de la taille de la Lune, hein, sur le ciel, donc vraiment minuscule. Et après 10 jours, donc on a la photo finale. Et avec une grande surprise, justement, on découvre dans cette petite région environ 10 000 galaxies. 10 000 galaxies à des distances différentes. Donc il y a des galaxies proches, lointaines, des galaxies jusqu'à 12 milliards d'années-lumière de distance. Et à l'époque, on connaissait que les galaxies dans l'univers proche. Et bien là, on découvre une diversité incroyable de galaxies, une diversité dans les formes, dans les couleurs, la masse et puis l'activité de formation stellaire dans ces galaxies. Et c'est à partir de là qu'on commence vraiment à étudier l'évolution des galaxies sur une échelle cosmologique. Et on s'aperçoit aussi, on confirme aussi le scénario hiérarchique de formation des galaxies, c'est-à-dire que les galaxies lointaines sont souvent petites et irrégulières en forme. Et puis les galaxies proches deviennent massives et elliptiques grâce aux fusions entre ces petites galaxies et l'évolution avec l'âge, elles forment moins d'étoiles au fur et à mesure. Donc oui, c'est tout le scénario de construction des galaxies qui a permis d'être élaboré, d'être solidifié en quelque sorte grâce à ces observations de champs profonds et très très lointaines dans l'espace et dans le temps. Absolument. Et à côté de ça aussi, on peut rajouter aussi le fait que, en observant ces galaxies, on peut observer aussi le taux de formation d'étoiles dans ces galaxies, combien d'étoiles se forment par an dans les galaxies, et on peut suivre ça en fonction du temps. Donc on remonte jusqu'à 12 milliards d'années, et on s'aperçoit en fait que, à notre époque, les galaxies ne forment pas beaucoup d'étoiles, et il y a très longtemps, il y a 12 milliards d'années, elles ne formaient pas beaucoup d'étoiles non plus. Et en fait, le pic de formation des étoiles dans l'univers était aux environs de, il y a 6 milliards d'années, 7 milliards d'années. Donc en fait, l'univers formait des étoiles d'une façon beaucoup plus efficace à cette époque-là que maintenant ou bien avant, il y a 12 milliards d'années. Donc ça, c'était aussi une grande découverte grâce à Hubble. Il y a des travaux aussi peut-être qu'on peut mentionner qui sont importants justement sur la constante du même nom, la constante de Hubble, et la question de l'expansion de l'univers que Hubble a permis de préciser d'ailleurs avec pas mal de surprises à la clé à Akimatech. Oui, alors vous faites référence sans doute à l'accélération de l'expansion de l'univers. Absolument. Oui, alors c'est ce résultat qui a valu le prix Nobel de physique en 2011 aux chercheurs impliqués. C'est Hubble a eu un rôle central dans cette découverte puisqu'il a permis d'observer des supernovas, ce qu'on appelle les supernovas de type 1A dans des galaxies distantes. Et en fait, ces supernovas sont ce qu'on appelle des chandelles standards. On connaît leur brillance, leur luminosité intrinsèque grâce aux courbes de lumière de ces supernovas. On connaît le processus physique qui permet de créer ces supernovas. Donc si ces supernovas sont lointaines, bien leur lumière va être plus faible. Et cette diminution de lumière permet de remonter directement à la distance de ces supernovas. Donc en observant ces supernovas très lointaines, à des milliards d'années, lumière, on s'est aperçu, donc c'était des travaux en 98, déjà on s'est aperçu que les supernovas étaient plus faibles en luminosité que prévu. Une des explications, c'était que l'univers, en fait, l'expansion était en accélération. La distance entre nous et ces supernovas a grandi beaucoup plus vite que prévu. Donc, la lumière de ces supernovas a traversé une distance beaucoup plus grande que prévu. Donc, ce qui a permis de mettre en évidence l'accélération de l'expansion de l'univers et rajouter justement cette constante cosmologique qui est l'énergie sombre, qui permet d'expliquer pourquoi la gravitation des galaxies qui devraient attirer les unes vers les autres, eh bien en fait, elles s'éloignent de plus en plus vite parce qu'il y a une énergie sombre entre elles qui les éloigne les unes des autres. Donc cette constante cosmologique a été rajoutée dans le modèle cosmologique qu'on connaît maintenant et qui s'appelle le lambda CDM, donc lambda pour la constante cosmologique et CDM pour cold dark matter qui est la matière noire froide. Alors cette énergie sombre maintenant elle est estimée être à peu près à 70% du contenu de l'univers. Et on dit peut-être un mot également à Akimatech que c'est aussi Hubble qui a contribué en tout cas à fixer l'âge de l'univers. On entendait dans l'archive au tout début qu'avant son lancement on parlait d'un univers vieux de 15 milliards d'années. On sait aujourd'hui que c'est 13 milliards et demi à peu près, je vous laisserai préciser ça. Quel était le rôle des observations d'Hubble là-dedans? Alors c'est le rôle de Hubble effectivement c'est un peu similaire à ce que je viens de dire, c'est la mesure des distances en fait des galaxies mais aussi des céphéides par exemple. Les céphéides c'est des étoiles variables et on peut utiliser aussi comme des chandelles standards comme on le fait pour les supernovas. Alors Hubble a permis de faire une estimation qui est à peu près de 13,7 milliards d'années pour l'âge de l'univers puisque l'âge de l'univers en fait c'est juste l'inverse de la constante de Hubble. La constante de Hubble, c'est H0, la constante présente, qui est autour de 70, la valeur de cette constante. Et bien sûr, ça, c'est une des contraintes, des mesures de cette constante. Il y a d'autres façons de la mesurer, comme l'observation du fond fossile, le fond diffus cosmologique qui a été observé par plusieurs satellites, comme dernièrement le satellite Planck. Et en ce moment, il y a un grand débat, d'ailleurs, dans la communauté scientifique sur la valeur précise de cette constante de H0, puisqu'il y a des petites tensions entre les mesures indépendantes de Hubble et puis de Planck, par exemple. On en avait parlé à d'autres occasions. On peut remettre sur notre fil Twitter, la méthode FC, un lien notamment vers l'émission que nous avions consacrée justement à ce fond diffus cosmologique où on évoquait cette question. Peut-être un mot, puisqu'on on arrive dans les quelques minutes qui nous séparent de la fin de cette émission. On fête les 30 ans de Hubble, mais Hubble, malgré son absence de réparation depuis plus de 10 ans maintenant, continue à fonctionner, continue à bien fonctionner et devrait continuer à fonctionner pendant encore quelques années, a priori, Jean-François Clairvoy. Oui, effectivement, après l'accident de Columbia, tous les vols navettes, hormis vers l'ISS, étaient interdits par le Congrès, parce que le Congrès voulait que des équipages qui aillent dans l'espace aient un havre de sécurité disponible. On a finalement réussi à convaincre le Congrès de rajouter une mission hors ISS, après l'accident de Columbia en 2003. C'est une mission vers le télescope Hubble, pour lequel il y avait, pour la première fois de l'histoire, deux navettes spatiales sur les deux pâtires à Cap Canaveral, prêts à décoller, un pour la mission et l'autre pour sauver les premiers, au cas où ils aient un pépin. Et lors de cette mission, on a fait une remise à neuf la plus avancée possible, rehausser l'altitude du télescope, pour qu'il fonctionne encore 10, 15 ans, on sait pas trop, mais ce qu'on ne dit pas trop, c'est intéressant parce que c'est la démarche inverse de son successeur, qu'on a eu pour son successeur, c'est qu'on a rajouté sur le culot du télescope Hubble une interface mécanique qui permet éventuellement, dans le futur à venir, de réaccrocher à Hubble un remorqueur, ou pourquoi pas une mission habitée, si un jour il y a quelqu'un qui trouve des financements. Donc Hubble, a priori, ne sera plus jamais revisité par des humains. Il fonctionne bien, on réussit à fonctionner même avec seulement deux gyroscopes dont je parlais tout à l'heure, mais il en a peut-être pour une dizaine d'années. Alors que le télescope qu'on appelle le successeur, mais Hakim pourra le confirmer, c'est pas vraiment un vrai successeur, il regarde pas exactement dans les mêmes gammes d'ondes, il n'est pas placé en orbite basse, il n'est pas a priori visitable par les humains, mais lors du développement initial du successeur de Hubble, qu'on appelle le James Webb, il était prévu que des astronautes puissent aller l'entretenir régulièrement. Mais au cours du développement, on a supprimé le mécanisme, on a supprimé le concept d'être visitable et améliorable par des astronautes. Mais voilà, Hubble, ça restera probablement pendant longtemps le seul télescope qui était serviceable, comme on dit en anglais, enfin maintenable, améliorable par des astronautes qui vont le rejoindre et qui permettent régulièrement d'augmenter son pouvoir d'observation par un facteur 10 ou 100. Normalement, la fin de mission est prévue en 2025 à Akimatek. Ça peut durer encore un peu parce qu'effectivement, en quelques mots, Jean-François Clairvoy a raison. Le James Webb, ça n'est pas le remplaçant de Hubble. Il ne regarde pas dans la même longueur d'onde. Il regarde essentiellement dans l'infrarouge, alors que Hubble regarde dans le spectre visible, comme on l'avait dit, et que les deux vont se compléter en quelque sorte. Absolument. Je dirais que c'est un télescope complémentaire de Hubble parce que ça dépend ce qu'on entend par successeur. Successeur, oui. C'est étendre les possibilités de Hubble. Eh bien, c'est un successeur. Si c'est, on entend par là, remplaçant, ben, c'est pas un remplaçant de Hubble. C'est plutôt complémentaire, comme vous l'avez dit. C'est que Hubble observe plutôt dans l'ultraviolet et l'optique, un peu dans le proche infrarouge. Mais le James Webb, c'est vraiment un télescope dans l'infrarouge. C'est la grosse différence avec Hubble. Et puis, James Webb, il faut le mentionner aussi, c'est un télescope plus puissant, donc beaucoup plus grand. Un miroir primaire de 6,50 m de diamètre au lieu de 2,40 m de Hubble. Ce qui fait que sa surface collectrice de lumière est 6 fois plus grande. Donc, il est beaucoup plus sensible que Hubble. Et grosse différence aussi, c'est qu'il sera un point Lagrange 2 à 1,5 million de kilomètres de la Terre, beaucoup donc il sera difficile d'aller le réparer. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux, mille merci à Hakim Atek, mille merci Jean-François Clairvoy d'être venu nous parler d'Hubble avec tant de passion et de talent. Merci beaucoup à toute l'équipe de la méthode scientifique, Céline Lezen, Alexandra Delbo, Natacha Triou, Noémie Néguet de Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Olivier Bétard à la réalisation et Jean-Frédéric aujourd'hui à la technique. Et demain, on reprend nos mercredis numériques et technologiques et nous allons nous intéresser Actualité oblige, au système de tracking, en français de suivi social, sont-ils une entorse insupportable à nos libertés individuelles? Mais surtout, ne sommes-nous pas déjà tous traqués, suivis, épiés dans nos déplacements et dans nos habitudes sociaux? On en parle demain à 16h pour un nouvel épisode en direct de la méthode scientifique. Ne ratez pas non plus à 8h55 la nouvelle chronique radiographie du coronavirus dans la matinale de Guillaume Herner. Et bien d'ici là, on se retrouve demain jusqu'à preuve du contraire.